C'est parti. Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchange la tête. Et c'est parti pour cette deuxième édition. Donc nous sommes aujourd'hui mardi 3 juillet avec Léna et un sommaire absolument fabuleux aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler du sondage du jour. Donc ensuite nous allons faire l'annonce de la Summer Chronique avec aujourd'hui la pub qui débloque. Ah oui. Ouais. C'est assez sympa, ça peut aller. Ah donc... oui, ça c'est des parodies de pub, tout à fait. Mais ouais, ça va être bien, ça c'est sur l'antenne. Il y aura quoi d'autre au programme? L'info Summer News. Ouais, c'est bien, ça c'est le journal. Ouais, notre petit canular avec le saint du jour. C'est pour ça que nous avons un invité de marque, puisque aujourd'hui c'est la Saint Thomas. Donc Thomas est parmi nous. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc l'annonce de la météo des fruits de mer, et après nous verrons le Dance Machine du jour. Ah oui, ça c'est les... on va replonger dans les archives musicaux des Dance Machine. C'était cette grande manifestation musicale avant la fête de la musique, presque quelque part. Voilà. Et c'est pas mal pour cette première partie. Ça peut aller, hein. On vous accompagne donc, vous l'avez compris, toute cette, pour toute cette émission qui va durer deux heures au sommet. Avec, on commence par un Martin Solveig, Something Better. Sensation, I feel like I'm a different man now. Ooh, so strong for too long. I've been searching for a girl like you. Change it all, 'cause since I found you, really made it better. Club VIP. Backstage obligatoire. À l'instant, c'était Martin Solveig avec le titre Something's Better. Vous êtes en compagnie du Club VIP, l'équipe avec Léna. Et aujourd'hui, Thomas qui est notre invité, puisqu'aujourd'hui c'est sa fête. Saint-Thomas. Oui, c'est la Saint-Thomas, tout à fait, tu as raison de bien le préciser. On a dit qu'on allait retrouver le sondage d'ici quelques instants, on peut peut-être en parler à nos auditeurs. Donc le sondage aujourd'hui, ce sont les soldes d'été, puisque les soldes ont commencé déjà depuis une semaine. Donc je suis allée interroger donc, des Pérousiens pour savoir quelle était leur habitude pour les soldes d'été. Ah, je savais pas, il y a eu des bons chiffres, des choses intéressantes. Oui, oui, oui, c'était bien sympa. Ok, bon, on va monter au sommet de la musique avec, je vous propose, Avril Lavigne et le titre Girlfriend. On se retrouve d'ici peu pour savoir un petit peu ce que nous réserve ce sondage des soldes. Et si va la Pérouse Kirek, au sommet de la bande FM. Sommet de la bande FM. 107.4. C'est le club VIP qui repart à l'instant. Vous avez écouté Avril Lavigne avec le titre Girlfriend. On retrouve Léna pour la rubrique sondage, puisqu'elle fait des sondages sur la plage et elle vous sonde, vous, vacanciers pérousiens. Le sondage du jour. Toutes les tendances, enfin déchiffrées par notre expert. Alors aujourd'hui... Donc aujourd'hui, le sondage concerne les soldes d'été. Donc je suis allée interroger hier après-midi des vacanciers. Donc 45% de nos vacanciers affirment ne rien changer à leur habitude pendant les soldes. 10% d'entre eux, par contre, se précipitent dans les magasins et 30% attendent la deuxième démarque. D'accord. Et toi, tu fais partie de quelle catégorie de vacanciers ? Je pense que je me précipite dans les magasins. T'as acheté quelque chose ? Oui, déjà, oui. D'accord, c'est quoi ? J'ai déjà acheté ma tenue pour les après-midi plage avec Estival. D'accord. Et Thomas, puisque c'est ta fête aujourd'hui, tu te précipites aussi pour les soldes ? J'attends plutôt la deuxième démarque. Oui, t'attends la deuxième démarque, d'accord. Bon, bah, c'est parfait. Les Global DJ, eux, ils prennent la première démarque et leur envolée avec Get Up sur l'antenne. We'll be right back. Club VIP. Backstage obligatoire. À l'instant, c'était Justice avec le titre Dance. Vous écoutez le Club VIP avec Léna dans les studios. Qui est là également Thomas, puisque nous allons attaquer la rubrique importante et vous allez savoir pourquoi nous avons un Thomas dans les studios aujourd'hui. C'est le saint du jour et ça va être présenté par tout simplement. Bah non, c'est pas le saint du jour, on n'arrive pas tout de suite là-dessus d'ailleurs. C'est la summer chronique. Voilà. Ah bah oui, bon allez, on fait le saint du jour au passage, comme ça on fait une petite encartade au programme puisqu'on je l'ai annoncé. D'accord. Alors attention, il y a un jingle et tout, c'est le saint du jour. Saint du jour, un saint à l'honneur. Léna, c'est à toi. Oui, alors au niveau du saint, vous savez pourquoi saint Thomas est invoqué? Non. Non, vous ne savez pas? C'est pour être préservé du mal de mer, en fait. Donc c'est bien sympathique, quand vous allez en bateau, vous invoquez saint Thomas, il arrive et il vous protège du saint, du mal de mer, en fait. Est-ce que le Thomas qui est dans les studios savait ça? Non, mais perso, oui. Bien dans le micro, Thomas. Ouais. Non, perso, je vais pas en bateau, donc je sais pas du tout. D'accord. Même bien dans le micro, c'est pas encore ça, Thomas. Tu es dans ton bateau, là? Non, je suis pas dans mon bateau. Là. D'accord, bah, on te reprend. Regarde, t'as un petit bouton on off. Ça marche bien comme ça. Ouais. C'est mieux là? Ah, oh, c'est différent. Oui, là, les auditeurs t'entendent. Donc, tu vas pas en bateau, Thomas? Non, non, moi je me promène pas en bateau, non. Bon, donc ton sein te sert pas à grand chose finalement, le pouvoir magique de ton sein? Non, pas vraiment. On va retrouver d'ici quelques instants, comme tu l'as dit, la Summer Chronique. Il y aura également Léna, le journal de la rédaction. Oui. Et tout ça après Mika, Love Today. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Love, love me, love, love me, love, love. Fun. club VIP. Donc c'était Nelly Furtado avec Say It White sur Estival. Donc nous allons quand même rappeler le numéro SMS. Bien sûr. Pour que nos auditeurs nous envoient quand même des petits messages. Donc vas-y Thomas. C'est 0622 69 18 19. Donc vous pouvez nous envoyer des messages. Sur le Club VIP. Club VIP. Et la suite du programme, c'est avec le journal de la rédaction, ça s'appelle l'info Summer Beach, c'est le journal du jour finalement. Oui. C'est parti. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, au programme, on aime bien vous donner des nouvelles comme ça, insolites. Aujourd'hui, mardi 3 juillet, une chaîne hôtelière entend sélectionner une trentaine de personnes pour détruire l'intérieur d'un hôtel construit il y a 11 ans. Alors faut tout casser, pour être sélectionné, il faut passer des tests, résistance physique, psychologique et médicaux. Ouais, faut quand même être assez fortiche. Voilà. Pour rester toute une journée à casser l'intérieur d'un hôtel. Pas mal ça, si vous vous ennuyez. 1 000 € d'amende pour un chirurgien qui démontait un radar routier près de Grenoble. Il commençait à scier la partie basse du radar quand il s'est fait arrêter lui-même. Donc il se passait quoi là? C'était quoi l'info? Pourquoi il faisait ça? Bah en fait, il a été flashé et apparemment ce n'est pas lui qui a déclenché le flash, c'est une autre voiture. Et donc il était un peu dégoûté de recevoir une amende, sachant que ce n'était pas lui. J'imagine. Au niveau Carpe Mort estival, le programme est chargé. Donc, pour cet après-midi, Carpe Mort propose de vous initier au rugby de 14h à 15h sur la plage de Trestraou. Donc, l'initiation sera suivie d'un tournoi de rugby de 15h à 17h. Dans la soirée, on change de sport puisqu'on vous invite à découvrir le badminton de 18h à 20h au gymnase de Kerabram. Et pareil, un tournoi est proposé de 20h à 23h. D'accord. Et pour la journée de demain ? La journée de demain qui est importante, hein, qui est le 4 juillet, le 4 qui est la fête américaine aux États-Unis. C'est vrai ? Ouais. Donc aujourd'hui, du moins mercredi demain, ça sera une découverte chimie. Donc vous allez pouvoir fabriquer des bulles de savon. Ça va te plaire. C'est sympa, c'est pour les 7-12 ans et c'est de 14h à 16h. Ensuite, nous aurons l'initiation au tennis ballon. Ah donc oui. C'est sur la plage de Trestraou avec un tournoi qui est suivi de 15h à 17h et pour la soirée, on retourne sur le basket. Donc qui commence de 18h à 20h et se finit par un tournoi de 20h à 23h. Voilà pour le journal du jour. Metened, I'll be there sur l'antenne. Excellente écoute, c'est Club VIP. pushed you away. Baby, if you knew I cared, you would never went nowhere. Nowhere. But I should have been right there. And I wonder, how do I breathe without you here by my side? How will I see when your love brought me to the light? Where do I go when your heart's where I lay my head? When you're not. C'est le club VIP que vous écoutez, c'est Léna, c'est Jack et c'est également Thomas aujourd'hui puisque c'est la Saint-Thomas. Donc nous avons invité Thomas, qui fait partie de l'équipe radio évidemment, technicien s'il en est. Alors Léna, que se passe-t-il dans ce programme du club VIP aujourd'hui? Donc on va partir sur la météo des fruits de mer. Oui, on va partir, oui, tout à fait. La météo des fruits de mer qui est quand même très attendue par les vacanciers parce qu'on a eu des remontées comme ça par les vacanciers, comme quoi le temps ne serait pas à la hauteur des espérances. Mmh. Alors on va savoir, et je crois que à ton sourire réjoui, ça s'arrange. On fait ça maintenant? C'est la météo? C'est la météo. Ok, c'est parti. Bah, c'est toi qui as le point. On t'écoute. Thomas, tu connais la météo toi? De nom, ouais. J'attends de voir la suite. Okay. Non, mais c'était des prévisions en fait. Mais non, moi je les connais pas. Vas-y, on écoute ça. Donc aujourd'hui, ce sera que des averses. Donc mon sourire qui donnait l'impression d'être réjoui n'annonce pas le soleil. Donc il fera 18 degrés. Et il y a un petit dicton du jour quand même. Bigorneau tombé du rocher indique un vent modéré. Bravo. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des bigorneaux tombés? Ça, c'est le mystère. Bah ça, il faut aller sur la plage ou à la pêche. Pour la musique cascadée avec Miracle, il y a également la chronique du jour qui doit tomber. C'est une fausse pub à venir. Miracle, see that you are made for me. I need a miracle, please let me be your girl. One day you'll see it can happen to me. I need a miracle, I wanna be your girl. Give me a chance to see that you are made for me. I need a miracle, please let me be your girl. One day you'll see it can happen to me. It can happen to me. Au sommet de la bande FM. Sommet de la bande FM. 107.4. Club VIP. C'était Cascade à l'instant avec le titre Miracle. Vous êtes en direct sur la radio Estival FM sur le 107.4 avec Léna. Oui, bonjour. Alors moi je vais rappeler le numéro SMS parce que c'est quand même important que nos auditeurs puissent nous contacter quand même. Donc c'est le 0622 69 18 19. 0622 69 18 19. Mais quel est le numéro? Parce que vous avez peut-être pas eu le temps de l'écrire sur un papier, alors on vous laisse deux secondes. Donc c'est le 0622 69 18 19. Et il y a quelque chose de fou dans la radio qu'on va faire tout l'été à partir du 9 juillet. Mais c'est quelque chose, j'en reviens pas moi-même. Parce que je serai auditeur, je serai aux anges. On vous fait gagner des 48 huîtres tous les jours. Donc 3, 4 douzaines d'huîtres par jour à partir du 9 juillet. C'est sur l'antenne, ça tombe cash. C'est génial. Ouais, c'est par SMS et c'est celui qu'on vous a donné. Ah là, vous vous dites, mince, je l'ai pas noté, j'ai oublié. Donc on va le répéter, donc c'est le 0622 69 18 19. Et on va jouer au Sun Game d'ici quelques instants parce que c'est le jeu et il va falloir trouver un artiste tout simplement. Là, pour l'heure, on va attaquer avec une pub, une fausse pub, puisque c'est la chronique du jour, la Summer Chronique. On aime bien comme ça parodier la pub. Et là, cette fois, c'est une pub pour un fast-food, mais un fast-food bien particulier, écoute. La pub débloque. Après le fast-food traditionnel, à emporter ou sur place, McDo invente le fast-disco. À emporter, sur place ou en dansant, McDo offre une nouvelle formule pour les danseurs. Vous mangez en vous dandinant sur la McPiste, avec de multiples formules au choix. Maxi Best of Claude François. La sauce d'Alida. Le Mac Bonnet M. She's crazy like a fool. Et pour mettre la frite, votre DJ, Ronald McDome. Le Fast Disco, une nouvelle formule express pour faire la teuf, manger et s'éclater. Et s'éclater. À partir de 5,70€. Shake it, mommy. Put up your hands for me, that's how you dance for me. Shake it like you can, honey. We're sending this one out to all the ladies all over the world. Get on the floor, make it bump more. Shake it, mommy. Put up your hands for me, that's how you dance for me. Shake it like you can, honey. Last night, I couldn't even get an answer. I tried to call, but my pride wouldn't let me die. I'm sitting here with this blank expression, and the way I feel, I wanna curl up like a child. I wasn't the way I am. If I told you once, emotion. In the way I feel, I wanna curl up like a child. Et c'est Club VIP qui est reparti avec son lot d'animateurs. Club VIP. Léna dans les studios. Oui, c'est parti. Et toujours un programme bien chargé. Il y a également Thomas, je rappelle que c'est la Saint-Thomas. Tu vas bien ? Très très bien. Pour l'instant, le programme musical se passe bien ? Oh, merveille. C'est vrai qu'on peut... D'ailleurs, c'est un point qu'on peut faire si vous vous appelez le Saint du jour. Vous pouvez venir dans le studio. Donc, s'il y a des Thomas qui nous écoutent, vous pouvez passer au studio, envoyez-nous un SMS, on vous indiquera tout simplement le studio. Ça peut être bonne ambiance aujourd'hui pour la Saint-Thomas, qui ne voyait ce qu'il croyait, il a raison. Hein. Et au niveau de la musique, est-ce que tu entends ce que tu vois ? Oui, ça me plaît pour l'instant, pas de problème. C'est parfait. On va faire un canular, Léna. Oui. On va appeler un Thomas. C'est vrai. Ouais, mais pas le Thomas du studio, parce que le canular, le principe d'un bon canular, c'est quand la personne n'est pas au courant et on va tenter de faire une sorte de farce. Alors on va appeler normalement. Si tout se passe bien, on a un Thomas qui travaille dans le trompe-l'œil. Tu sais ce que c'est que les peintures en trompe-l'œil ? Oui, un petit peu. Oui, c'est-à-dire... Non, mais pour les auditeurs qui connaîtraient pas, par exemple, le trompe-l'œil, Léna. C'est pour cacher une chose qu'on n'a pas forcément envie que ça se voit, et ça trompe l'œil, en fait. Voilà, ça te va ? Ah oui, très bien, très belle explication. Pour la musique, on va repartir toujours dans l'été avec les tubes de l'été. Ilo avec Is It Love, et on appelle ce fameux peintre en trompe-l'œil juste après ceci. I never knew love. Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends, we're gonna try to move your feet. I said the hip hop, you don't stop and pump it up. À l'époque c'était Smurf, Drake et Hop Rock. Dans les halls fat lassés, les chaînes en toc. Sur 23 bandes, ma bande, mon 95, mon bloc. On écoutait Bamba, Tabic, Diddy, Ken, elle est Luton Locke. Les tags, les toys, les graphes et les flops. Soirée hip-hop à la coupole, Sydney était au top. Animé par le jeune Cut Killa, Lionel D, Dynasty. Actual Force, Razorback, le break, le défi. 87, Styler, Modas, Tommy B. T.A.B, B-Boys, forme le Hammer, Posse. Fan de P.E, N.W.A, Ultramagnétique, M6. Après Johnny Go, on prend le micro et on crache nos vies. Bang bang, sur instru du Boogie Down Production. Les premières rimes sur le beat. And me, the groove, and my friends, we're gonna try to move your feet. Say what? I said the hip hop, you don't stop and pump it up. Hip hop music, live a good life, I said the hip hop, you don't stop, I see a top. Hip hop music, live a good life. De gangrène, aujourd'hui le rap est nargant. C'est clash sale, c'est slam, c'est brut élégant. 50 Snoop ou Pharrell, on a pareil, on a nos clans. C'est l'espace-temps, tous les rappeurs veulent le cinquième élément. La gagne, le classique, shit, la classe eux, le shit. Mec éloquent depuis 20 ans, j'ai les putains de titres. Garde les gants pour les bêtes de clips qui vont avec. 2007 est plus bon, électro-fier, arrogant. I say one for the trouble, ouais. Two for the time. Come on guys, let's rock that. Pilier dans ce rap français, fier car je viens d'en bas hip-hop. Ma vie, mes racines, Abdoulaye et Tanda. Sexy chocolate girl, come and work your body. Work your body. Show us what you got. It's a North Coast party. North Coast party. Sexy foxy, come on, spot, make it free. Move to the gangster band. Dans le futur qui sera, roi où ira, le move qui sera. MC, MVP, street credibility. En tout cas, moi j'accélérerai toujours à l'appui du groupe. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, non que la mer s'ouvre. Après le crunk, tu auras quoi? Le brunk. Qui contrôlera le hip-hop, bis d'un gang de fils de punk. Est-ce qu'on dira toujours Zulu, Bounou, voyons nos styles chez nous. Est-ce que le boogie aura toujours le goût de chez nous? Et oui, c'est le Club VIP à l'instant, c'était passé avec le titre électrique. Et on va retrouver la suite du programme, c'est un canular, puisqu'aujourd'hui c'est la Saint Thomas et nous allons appeler un Thomas. Alors, l'explication du canular dans le studio avec l'équipe Léna par exemple, au hasard. Oui, donc aujourd'hui le canular, donc Jack se fait passer pour un maire ULM. Et donc, qui s'appelle Paul Cardo, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, tu es maire de Pouilly-sur-Angère. Donc, tu vas appeler un peintre trompe-l'œil pour pouvoir. Donc, tu vas lui demander, bien sûr, de décorer tes poubelles, c'est ça? Bien sûr. Voilà, les poubelles de la ville, puisque c'est vraiment. C'est infernal. C'est pas possible. C'est moche, donc il faut donner un peu de décoration à tout ça. Allez, on appelle ce fameux peintre... Trompe-l'œil. Trompe-l'œil, on n'entend pas c'est bien. C'est ça. Hop, à fond. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Paul Cardo, maire de Pouilly-sur-Angère. Vous avez eu ma secrétaire, peut-être ? Je ne sais pas du tout. D'accord, très bien. Vous êtes bien peintre au niveau trompe-l'œil? Oui, mais enfin... C'est bien Thomas. Qui fait ça? Pardon? C'est la profession de mon père, oui. Tout à fait, très bien. Vous allez peut-être me renseigner, justement. Donc, nous avons actuellement des poubelles qui sont, on va dire, taguées, hein, carrément. Vous voyez ce que je veux dire? Vous-même, vous faites des tags ? Non. Bon, c'est très bien. Alors, ce qu'il faudrait qu'on fasse, en fait, c'est une sorte de contrat partenariat. C'est une première en France. Hein. Donc, on essaye sur Pouilly-en-Gers, qui est une commune novatrice, d'inventer comme ça des décorations de matériaux publics. Est-ce que ce type de choses est envisageable ? Ça, faut voir avec lui. Oui. Vous êtes situé où exactement ? À Pouilly-sur-Angers. C'est dans quelle région ? Ah bah, voyons, vous ne connaissez pas ? Non. C'est juste à côté de chez vous, à une cinquantaine de kilomètres en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ça, faut voir directement avec lui, en fait, faudrait l'appeler. Oui, bah pas de problème. Vous n'avez pas son numéro de portable ? Ah non, voilà, c'est ce qui nous manquait, exactement. C'est exactement ce que j'ai dit à ma secrétaire. Écoutez, ce que je vais faire, je vais le reprendre directement parce que ça devient vraiment urgent. Oui. Donc attendez, 30 secondes que je... Voilà, vous allez y aller. Attendez, voilà, c'est parti. Donc 06. Attendez, parce que je suis en conseil et je ne veux pas que tout le monde me pique les numéros fétiches. Donc je vais vous passer directement ma secrétaire. D'accord. Si, Léna, viens par ici. Tu vas prendre le numéro... Allez, on y va. Voilà, hop. Oui, parce que c'est vraiment une catastrophe. Oui. Donc là, Léna est en train de prendre le numéro de téléphone. Donc pour appeler le fameux Thomas, peintre en bâtiment, on est en plein direct de Canular, c'est de la folie. Hein Thomas, ça se passe bien dans le studio ? Très très bien. Très très bien. On continue la suite. Clac. Voilà. Donc c'est un canular en deux parties. En deux parties. Donc Léna, tu as récupéré le numéro de téléphone du vrai peintre en bâtiment, qui s'appelle Thomas, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui, peintre en trompe-l'œil. Donc là, on a eu son fils, visiblement. Alors, est-ce qu'on va continuer le canular ? Est-ce qu'on va appeler le père ? Là, toujours est-il qu'on va passer quand même une pause musicale. Il y a également le Sun Game qui arrive, on se le réserve peut-être pour la fin d'émission, en clin d'œil, pour le trompe-l'œil. Shiny car, and that's when you need me there. With you, I'll festival Apéros Direct au sommet de la bande FM. Sommet de la bande FM. 107.4. Casés dans des cases, fichés sur des fiches, au discours de base et front sur l'affiche. Même si on a marre, sans juger personne, y'a qu'à seulement voir les clichés qu'on donne. Mais qui fait des histoires vraiment dans ce pays? Moi je viens bien de quelque part, mais je suis ici. On a la chance d'être là, faut pas qu'on l'oublie. Je viens bien d'un endroit, mais je suis ici. Mais qui fait des histoires vraiment dans ce c'est le club VIP, c'est Amel Bent à l'instant et le titre c'était Nouveau Français. Léna, la suite du programme? Eh ben on va retrouver le Sun Game. Voilà, tout à fait, le Sun Game avec la petite musique du Sun Game, qui est le jeu qui peut vous rapporter gros. Aujourd'hui on vous fait gagner des tas de fruits plus bracelet estival. Donc premier sur la plage, c'est gratos si vous répondez au Sun Game qui est une charade aujourd'hui. Allez c'est parti, on lance le Sun Game. Allez go! Le Sun Game. Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. Et oui. Club VIP. Et alors, c'est quoi le la charade du jour? Donc, la charade du jour, c'est mon premier est le diminutif de Robert. Mon second, nous le fêtons chaque jour. Et mon troisième est le contraire d'obscur. Et mon tout, on doit trouver le nom d'un DJ célèbre. D'accord, voilà. Si vous avez donc trouvé, vous pouvez nous envoyer par texto votre réponse au 0622 69 18 19. Je vois que ça se prépare dans le studio à envoyer des textos, c'est bien. 0622 69 18 19. Les 10 premiers textos récompensés, donc vous avez largement très peu de temps. Oui. C'est plutôt ça. Donc il va falloir faire très très vite. 0622 69 18 19. Est-ce qu'on peut réécouter la charade? Moi j'aimerais bien une dernière fois. D'accord. Donc mon premier est le diminutif de Robert. Mon second, nous le fêtons chaque jour. Ouais. Mon troisième est le contraire d'obscur et mon tout est un DJ célèbre. Si vous avez trouvé, envoyez un texto et vous gagnez pas mal de choses, fruits, bracelets, tout ça c'est gratos. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0 622 69 18 19. 0 622 69 18 19. Contactez la radio, un simple texto suffit. 0 622 69 18 19. 0 622 69 18 19. Club VIP. Et oui, c'est le Club VIP que vous écoutez avec Léna, avec Thomas, puis le public dans le studio. Le public est là. Ouais. C'est important d'avoir du public l'été. Léna, la suite du programme, c'est avec le Dance Machine du jour. Ah oui, ah ça on adore. On le fait maintenant peut-être. Oui, c'est bien l'heure. Évidemment. Donc, quel est le Dance Machine du jour ? Oui, on fait l'annonce maintenant, hein, ouais, c'est ce que c'est je voulais parti. Dire. On est au taquet. On explique juste l'annonce, le principe du Dance Machine, c'est ce que vont retrouver nos auditeurs après un titre normal, dirais-je, non, estival. Qu'est-ce que c'est, Léna, le principe ? Bah, on retrouve un vieux titre dance des années 97-98, c'est assez sympa. Ah ouais, d'accord. Et ben tout ça, on le retrouve juste après David Guetta, c'est son tout dernier, Delirious, ça s'appelle, c'est sur l'album. Et c'est pour tous les Thomas, hein, c'est une demande qu'on a reçue par texto juste il y a quelques secondes. Hein. Vous pouvez nous envoyer également vos textos pour des disques à la demande, tout simplement, ça marche également comme ça. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0 622 69 18 19. 0 622 69 18 19. Direct au sommet de la bande FM. Sommet de la bande FM. 107.4. On y est, c'est au sommet. VIP. Et c'est le club VIP qui vous accompagne. Avec Léna toujours dans les studios. Oui. Oui. Pour attaquer, pour un retour en arrière d'ailleurs dans les années 97, puisque nous allons attaquer avec le Dance Machine du jour. Et comme l'émission est, et c'est la deuxième, on t'a préparé un petit fond pour. Bah, tout simplement un petit générique pour annoncer ce fameux Dance Machine. Alors c'est à toi, juste derrière le générique qui arrive dans la radio. Alors si je me trompe pas, il est juste là, attention. Ah oui, c'est du direct, hein. Jing VIP, et ça s'appelle le Dance Machine du jour, c'est parti. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Voilà, tout simplement. Donc nous allons retrouver donc un tube qui date de l'année 1997. Donc c'est Paradisio avec Bamos à la discothèque. Voilà, tout ça, tout à fait. Et il y a eu des infos sur ce type de 97. Donc en fait apparemment ce serait une production belge. Et donc la chanteuse s'appellerait Marissa. C'est une chanteuse belge une Non, fois c'est une chanteuse espagnole de Madrid. Ah, mais c'était un projet belge une fois. Oui, mais c'était un projet belge. Ils ont pris Marissa pour le projet belge. Elle chantait bien, elle était jolie. On écoute, c'est 97. Et c'est belge. Oui, et c'est Bamos à la discothèque. Ah bah Bamos. Une fois. La discoteca de la playa tiene la música del viento, el cielo como techo, un ritmo tropical, un clima ideal. Llevo sombrero y bañador, llevo sangría para los dos. Que no se olvide el abanico, cógeme de la mano y vamos a bailar. llévame otra vez. Ça, ça impressionne de réécouter ça, hein. Sorti tout droit des années 97. Il s'agissait de Paradisio avec le titre Bamos à la discothèque dans le cadre du Dance Machine du jour. Voilà. Ça fait bien plaisir. Vous écoutez le Club VIP avec Léna. La suite du programme, c'est toi qui t'y colle, Léna. D'accord, donc on va faire un rappel de l'info Summer News. Ouais, tout donc, à fait. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? On le fait tout de suite, d'accord. Oui. Eh ben écoute, je te prends au mot. On lance le petit indicatif du journal, et puis on fait un petit rappel sur les news insolites qui ont un peu égayé, on peut le dire, ce 3 juillet. Ensoleillé, ça, y a pas de souci. Alors, ce rappel, c'est tout de suite, c'est là, c'est maintenant, c'est l'info, quoi. Alors, dans les news, nous avons eu pour le 3 juillet... Eh bien, une chaîne hôtelière espagnole entend sélectionner une trentaine de personnes pour détruire l'intérieur d'un hôtel construit il y a 11 ans. Pour être sélectionné, il faut passer des tests, résistance physique, psychologique et médicale. Donc c'est un peu de la démolition façon télé-réalité, c'est ça ? Un petit peu, oui. Et ça se passe en Espagne. D'accord. Dernière petite info, le pas bien du jour, 1000 euros d'amende pour un chirurgien qui démontait un radar routier près de Grenoble. Il a commencé par scier la partie basse du radar avant de se faire arrêter, normal, et pour cause, puisqu'il avait été flashé à la place d'un autre, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, donc il était un peu en colère, donc il s'est attaqué au radar. Mais faut pas faire ça, hein. Non, c'est pas bien. Et puis, niveau programme estival qu'apparemment, nous avons un programme bien riche. Oui, donc pour cet après-midi, le Cap-Armor vous propose de vous initier au rugby de 14h à 15h sur la plage de Trestraou. Donc cette initiation sera suivie d'un tournoi de 15h à 17h. Dans la soirée, on change de sport et on découvre le badminton de 18h à 20h au gymnase de Kerabram. Et ensuite, un tournoi donc vous est proposé de 20h à 23h. D'accord. Et au niveau de destination bien-être, la promotion santé ? Donc cet après-midi, c'est une après-midi fruitée et vitaminée à Trestignel, puisqu'on vous montre l'importance des fruits dans votre alimentation. Et pour vraiment prouver qu'on est en direct live, c'est quel genre de fruits qu'on aura à manger ? Des pêches, ça sera des pêches. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, vous pouvez gagner en exclu quelques pêches d'avance au 0622 69 18 19 par rapport au Sun Game. La musique, c'est avec Favretto, People of the Night. Ça, on l'aime beaucoup, ça sent le tube. Je l'ai déjà passé, mais non, bien sûr que non, je l'ai pas passé. Oh, people love to dance, yeah. Oh, people let it go. They're trying hard to bend it. Too many bodies blow. Instant Stéphane Vreto, People of the Night sur l'antenne. Et c'est toujours parti pour le club VIP dans la bonne humeur avec la suite. Et je vous rappelle, aujourd'hui c'est la Saint Thomas. Donc si vous connaissez des Thomas, faut leur souhaiter bonne fête. On en a un dans le studio, on fait un rappel. Bonne fête Thomas ! Bonne fête Thomas ! Et nous allons appeler un Thomas qui est, rappelle-moi Léna, parce qu'on l'a appelé tout à l'heure pour lui souhaiter sa fête. C'était un canular en fait. Hein. Oui, donc c'est un artiste peintre spécialisé dans le trompe-l'œil. Et donc tu te faisais passer pour un maire donc de la commune de Pouilly-d'Angers, ou sur Angers, ça doit être un truc comme ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc nous étions tombés sur son fils. Voilà, bien vu. Donc nous avons récupéré son numéro de téléphone et nous allons l'appeler. Le père maintenant. Le père. Voilà. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Paul Cardo. Bon, voilà, en quelque sorte, je suis maire adjoint de Pouilly-sur-Angers. Peut-être oui. Que vous avez eu le message par rapport à votre fils. Non, pas du tout. Non, pas du tout, voilà. Qui appelez-vous exactement ? Je suis Alain Thomas. Thomas, tout à fait. Oui. Nous avons donc des problèmes au niveau du mobilier urbain. Oui. Dans notre commune. Oui. Et on m'a dit que vous étiez un spécialiste de tout ce qui était trompe-l'œil. Oui. Oui, bien sûr. C'est vrai parce que oui, non, bien sûr, oui. Ce n'est pas un canular, enfin, vous avez rigolé, j'avais le sentiment que j'avais dit une erreur quelque part. Non, mais pas du tout, pas du tout. D'accord. Non, bien sûr. Non. Je fais oui, tout ce qui est trompe-l'œil, peu importe. Oui, bien sûr. Parce que nous avons sur le mobilier urbain oui. des tags. Vous voyez ce que c'est ? Oui, bien sûr. Vous en faites vous-même ? Non, pas du tout. Ah, c'est bien. Donc nous souhaiterions en fait dissuader les taggeurs en dessinant des policiers sur les poubelles en trompe-l'œil. Allô ? Oui. Vous avez entendu un peu la requête ? Attendez, je vais changer de pièce parce que là, Oui, c'est mieux. La perception sans être meilleure. Oui, en fait, on voulait, en quelque sorte, dessiner des choses sur les poubelles pour dissuader, des choses très jolies d'ailleurs, des aquarelles, pour dissuader un petit peu les taggeurs et dire, eh bien, il y en a qui font mieux, voyez-vous ? Oui, bien sûr, oui, mais c'est une très bonne démarche, c'est très très positif. C'est dans la positive attitude, tout à fait. Hein, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens dans cette société qui sont complètement frappadingues. Ah bon ? Avec de l'éducation, même avec un peu d'éducation, on n'arrivera pas à en tirer quelque chose. D'accord. Même... Bon. Ah là, je ne dis pas à vous. Je veux dire, même en... Enfin, je ne sais pas, mais moi, je suis un petit peu découragé parce qu'il nous arrive parfois de faire des jolies choses. Et oui. Puis, ces jolies choses sont dégradées... très très peu de temps après. Où est-ce qu'on peut voir vos productions ? Parce que j'en ai vu quelques-unes, mais quelle a été votre plus grosse production ? La plus belle œuvre. Ah, la plus belle œuvre, je ne sais pas très bien. Ben, ça dépend de ce qu'on appelle beau et tout est relatif, si vous voulez, parce qu'il y a des gens qui préfèrent les plantes, il y a des gens qui préfèrent des trompe-l'œil en fausse muration, des gens, voilà, voyez, tout est... Bien sûr, tout est assez relatif, finalement, oui, bien sûr, ce que vous êtes en train de me dire. Ouais. D'accord. Donc, en quelque sorte, vous dites que pour les poubelles, ça va être difficile et que vous pensez que les tags vont quand même prendre le dessus. Moi, il me semble, oui. D'accord. Ouais. Bon, on va réfléchir avec l'équipe. Oui. En tout cas, est-ce que vous seriez quand même disposé à faire quelques gribouilles ? Oui, oui, bien sûr. Bon, bah c'est parfait. Alors, dans ces cas-là, on va prendre note. Tiens, je vois dans l'agenda d'ailleurs que c'est la Saint-Thomas, donc bonne fête d'ailleurs au passage. Et puis, très bonne continuation, monsieur. Oui, vous pouvez. Il faudrait que vous puissiez me. Comment dirais-je ? Vous pouvez me laisser une trace écrite, soit par fax ou par mail. Par Minitel, nous fonctionnons, nous, à la mairie de Pouilly-sur-Angers. Oui, oui, oui, c'est très bien. Bon, d'accord. Si vous pouvez me laisser vos coordonnées, que je puisse avoir un correspondant. Pas de problème, on fera ça. Ah. Très, très bonne journée, puis bonne fête encore. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc pour le canular du jour. Il était pas mal, oui. Le canular. Bah oui, il était pas mal. Je savais pas trop quoi lui faire dessiner pour que les poubelles soient pas taguées. Il avait l'air un peu sceptique hein, sur le procédé d'ailleurs. Oui. Bizarre ça, c'est bizarre ça. Bon, nous allons attaquer la suite. Voilà, la suite avec Lucky Twix. On va faire un point également, Léna, sur le TVscope. Oui, donc nous allons un peu farfouiller les news sur la télé-réalité, donc qui est Secret Story. Bien sûr. VIP strictement réservé aux habitués. It's not. contacter la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Écoute Estival, c'est génial. Génial. Club VIP. Et ça c'est le Club VIP et c'est pas mal aussi. Ah c'est pas mal comme oui, slogan. C'est super sympa. Estival, c'est génial, le Club VIP c'est pas mal aussi et ça se passe ici. Ça dure une bombe 2 heures de divertissement là. Hein. Et puis on attaque la dernière ligne droite avec Léna et puis le fameux TVscope. Oui mais juste avant, ça te dirait pas de refaire un petit peu du Sun Game ? Alors le rappel du Sun Game. Le Sun Game, Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. Le principe est très simple, vous devez trouver un artiste par charade. Léna, la charade du jour. Alors, la charade du jour, c'est mon premier, le diminutif de Robert. Mon second, nous le fêtons chaque jour. Mon troisième est le contraire d'obscur. Mon tout est un DJ célèbre. À gagner des bracelets collector Estival FM, premier sur la plage. Des pêches. Ouais, vert fluo, des pêches, des fruits aujourd'hui. On vous fait gagner un max de fruits en exclu. Et c'est de la pêche à gagner aujourd'hui. Et le bracelet, la pêche, vous avez la forme, la summer attitude, c'est pour vous. 0 622 69 18 19. La charade, une petite dernière quand même. Une petite dernière fois, ouais, je vais donc essayer de te voir pour aider les auditeurs. Mon premier, le diminutif de Robert. Robbie. Quelque chose comme ça. Mon second, nous le fêtons chaque jour. Je crois que c'est une rubrique de l'émission du Club VIP. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et mon troisième, le contraire d'obscur. Jour. Mon tout est un DJ célèbre. Bob Saint-Jour. Peut-être, bon, quelque chose comme si ça. Si vous avez la bonne réponse, en tout cas, n'hésitez pas à envoyer un texto par SMS suivi de la bonne réponse. Et vous remportez votre lot de bracelets collector et puis de pêche. Et de pêche. Allez, on attaque avec le TVscope. Tu vas nous parler aujourd'hui ? Oui. De Secret Story. On y va. Le TVscope, toute l'actu de la télé, enfin à la radio. Et c'est parti. Donc, que s'est-il passé chez Secret Story et donc chez nos fameux candidats dans la maison, qui vivent dans une maison ? Donc aujourd'hui, Lali pense que Maxime est transformiste. C'est bien marrant. Donc elle est là avec Tatiana pour essayer de découvrir ce qui se passe. J'ai eu une dernière info, minute, les triplés ont été découvertes apparemment la semaine dernière. C'est dommage. Oh, quelle déception. Donc elles vivent toutes les trois dans la maison. Et sinon, deux filles doivent être nominées cette semaine et doivent partir. D'accord. Eh bien, on écoute peut-être l'extrait où on dévoile un secret déjà dans cette émission. Je te dis, regarde, je suis en Angleterre, vraiment, dans un où je bossais dans le palace. Je suis arrivé incognito. On mangeait du Nutella. Personne et tout. Ouais, c'est lourd. Ça te fait mal. On l'assure, tout le monde a changé. Ah ouais. C'est grave. Tout le monde. J'ai envie d'y aller, mais maintenant il faut que je trouve des arguments, tout ça. Faut que... C'est des arguments, c'est ce que je t'ai donné, je te dirai pourquoi. Mais tu me dis que c'est pas ça. Tu me dis que c'est pas ça. Là, il y a dévoilage de secrets, c'est ça ? Oui, voilà. Je tenais beaucoup d'indices. Hein. Je tenais beaucoup, beaucoup d'indices. Je suis quand même sur ce délire-là, j'ai envie quand même d'aller buzzer ça. Je comprends rien quand il parle. Tu non. Si c'est pas ça, je m'en fous, je me rétracte et puis je passe à autre chose. Au moins, je passe à autre chose. Donc ça, c'est la voix de la vie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sinon tu bosses sur Julien, tu t'en fous, c'est un jeu. Oui, non, mais attends, ça je m'en fous. Faut pas de stratégie parce que t'es même pas sûr que ça soit bon, quoi, tu vois. Oui, non, je sais, bon, si bien je bluffe aussi. Tout est possible. Aussi, ouais. C'est la chasse au secret quand possible. Même dans cette maison. Et peut-être que tu caches un lapin dans ta poche. Oui, oui, tout est possible, on est dans tout un jeu. Tout est possible, on est dans un jeu. Hein. Bon, j'allais buzzifier, je crois. Faut que je trouve mes arguments quand même. Bonne base. Je sais, il rigole, donc je sais que c'est bon. Bonne base. Mais buzz pour moi, putain. Tu te dis, moi je te dis rien. Non, non, je sais, mais je vais les buzzifier. Non, toi, elle attend. Ok. Ouais, je vais buzzifier. Ouais, elle va buzzifier. Okay, mais non, je ne sais rien, ouais, je sais pas, je voulais pas trop. Ah. Ok, voilà pour nos amis de Secret Story. Je suis un peu déçu. Je pensais Lali, une voix assez féminine, assez douce, assez suave. Alors, ouais, je vais les buzzifier, hein. Je trouvais des argumentaires et tout. Et ça, c'était la jolie Lali. Voilà, qui a trouvé, qui pensait que Maxime était transformiste. Oh, ouais, transformiste. Je vais buzzifier tout ça. Donc, ils inventent des expressions aussi dans cette... Oui. Dans cette comment on l'appelle ? C'est un jeu ? Oui, dans ce jeu. D'accord. La suite du programme, ça va être excellent. On retrouve un vacancier. Parce qu'on a été avec Léna chercher des vacanciers sur la plage. Il y en a, hein, oui. Faut le dire. Il y en a pas mal, d'ailleurs. Malgré la pluie, il y en a. Hier, c'était hier. Et bah, finalement, ils ont fait la prog sur l'antenne. Et il y en a un qui nous a lancé un titre de façon mémorable. Vous le retrouvez bah, juste après le prochain titre qui suit. On va rester toujours un peu dans l'actualité summer musicale. Puisque c'est le principe de la radio. Allez. Non, j'allais vous mettre un titre. Tu veux quoi ? Tu veux un titre particulier ? Je te propose deux choix. Shanna, il est interdit d'interdire. Shakira, Beautiful Liar, tu choisis. Shakira. D'accord, Shakira. His knees, one and only, beautiful liar. Como tú toleras esto sabiendo todo lo que no sé. Why are we the ones who suffer? Ahora dime. He won't be the feel it. Hacemos este juego. Estoy harta de tus mentiras. Este amor se acabó. Shakira à l'instant avec Beautiful Liar, elle était en compète avec Beyoncé. C'est Shakira featuring Beyoncé. Léna dans les studios et dans la place. Ouais. Tout bail, alors on applaudit Léna quand même. Ah, vous êtes pas mal nombreux à nous laisser des SMS pour gagner des pêches. Qu'est-ce que ça va être quand on va vous distribuer 48 huîtres? Tu le dis comment toi, 48 huîtres? 48 huîtres. C'est pas mal. Ah, c'est pas facile, sinon tu dis 4 douzaines. 4 douzaines. Bah ça marche, ça fait 48 non, 4 douzaines. Ouais, ouais, on me dit ouais dans le studio. On va retrouver le lancement vacancier là, c'est quelque chose d'important dans le studio. On sait que une bonne musique bien lancée, ça fait tout à la radio. Oui. Et on a trouvé sur la plage des animateurs, c'est ça hein. Tu peux expliquer le contexte d'ailleurs de cette chronique, Léna? Donc en fait, l'après-midi, je vais à la rencontre des vacanciers et même des Pérosiens, parce qu'il ne faut pas les oublier, les Pérosiens aussi. Ah non. Et je leur demande de nous lancer un très très beau titre, bien évidemment. Donc à chaque fois, on a des belles boulettes, c'est assez sympa. Donc ça donne une touche de fraîcheur dans notre émission. C'est bien, tu le présentes bien, tu l'as bien vendu. Il s'appelle comment aujourd'hui le vacancier du jour? Est-ce qu'on se... Ouais, c'est quelqu'un de bien sympathique, je m'en rappelle aussi. Oui, attention, c'est pas encore à toi, lancement vacancier. Allez, on le cale. Et il lançait quel titre? Rappelle-moi ça tout de suite. C'était Justin Timberlake. Ouais, on va le laisser faire. C'est le lancement du jour, c'est... Tout de suite, c'est en direct. Allez, hop, Justin, voilà. Le lancement du vacancier. C'est vous l'animateur. Et c'est lui. Allez, c'est à toi. Ici Cédric, retrouvé sur Estival, Justin Timberlake avec What Goes Around Come Around. Bravo. Il a bien fait. C'était Cédric, donc. I was ready to give you my name. Thought thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it. Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Le club VIP à l'instant, c'était Justin Timberlake lancé par un vacancier Cédric. Merci à lui. La suite du programme, bah c'est que c'est la fin. On attaque la dernière ligne droite. Là, ça ressemble plus qu'à 50 mètres de l'arrivée. Léna. Donc moi, je vais vous donner une petite recette de grand-mère en fait pour avoir un joli teint. Relax, take it easy, c'est les instants réflexes relax. C'est ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc pour avoir un joli teint, il vous faut un jaune d'œuf, quelques gouttes de citron. Ça va, c'est pas énorme. Non, ça va. Ça va. Donc on applique ça sur le visage. Oui, on applique ça sur le visage. Et donc une fois le masque sec, vous rincez et normalement vous avez un très joli teint. C'est vrai ? Oui, c'est une recette de grand-mère. Faut mettre combien d'œufs ? Un seul, un jaune d'œuf. Pas de blanc, hein. C'est juste le jaune. Ah non, attention, là attention. Ça serait l'effet inverse. Voilà. Donc il vous faut un jaune d'œuf et quelques gouttes de citron. Mais une goutte, c'est pas beaucoup. Ah, il en faut quand même 5 ou 6 à peu près. Faut y aller, ouais, d'accord. Voilà. Faut garder combien de temps, t'as dit ? Jusqu'à ce qu'il soit sec le masque. D'accord, une fois que c'est dur, c'est bon. Voilà, vous pouvez l'enlever. Okay. Et donc vous rincez bien. D'accord. Avec de l'eau claire. Et là, c'est par exemple avant de faire une soirée, tout ça, voilà. Avant d'aller à la plage. Ça fait toujours du bien d'avoir le teint frais. D'accord, bah en tout cas merci pour ces conseils promotion santé, c'est important. Et ça hydrate la peau et c'est hyper important. Là je peux vous dire avec le soleil qu'il va y avoir. Merci de l'avoir écouté. Merci pour eux. Oui, coupe-moi la parole. Avec le soleil qu'il va y avoir bientôt, ça va être magnifique d'avoir une bonne peau. Voilà. Merci en tout cas à tous. Merci à tous ceux qui ont envoyé vos SMS. Vous avez gagné des fruits, des bracelets. Nous on se retrouve Léna demain. 10h30. Ouais, puis également à 21h. Donc à tout à l'heure. Et puis excellente fin de soirée pour ceux qui nous écouteraient le soir. Ciao, bye bye. Merci, au revoir.